Je pense à la folie de ma raison, au retour dans un monde sans passion, où le vice, le crime n'était que monnaie réservée aux gens bien intentionnés. Le signal du retour vient d'être annoncé de ce monde faux que je vais quitter. Déjà dans mon noir, viens vers moi pour me rappeler que je vais crever maintenant. Elle est rouge comme le sang du Messie. Qui voyait rose, la couleur de la vie. Messieurs, je vais les contempler, les gens pleins d'argent et les fauchés. Non, ça serait faux d'encore y penser. Ça me rappelle le temps du néant. Ça me rappelle le temps du néant. Ça me rappelle le temps du néant. La couleur de ma vie vous plaît-elle? Elle est telle la mort du Messie. Qui voyait noir la couleur du remords?